بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. On continue avec la biographie du prophète عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Et on avait raconté la semaine dernière qu'est-ce qui s'était passé pendant ou lors de la bataille de Mu'tah. Et on avait raconté ici tout ce qu'avait vécu as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et parmi eux Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa ardah, Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa ardah, et d'autres compagnons lors de cette bataille. Et la bataille de Mu'tah avait lieu le mois de Jumada, premier de la 8e année de l'Hijra, la 8e année de l'Hijra. On est toujours dans l'an 8 de l'Hijra, al-Hijra. Et peu après, les musulmans, après la bataille de Mu'tah, ils repartirent vers les limites de la Syrie. Ils sont repartis vers les limites de la Syrie, et pour poursuivre ici leur adversaire, avant qu'ils n'aient même le temps de reprendre leurs forces, comme l'ont rappelé Ahlu Siyar et Amr ibn al-As, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Il était alors commandant de l'armée musulmane. Et à un moment, ils se sont arrêtés ici, et on n'a pas beaucoup de renseignements tirés du Coran et de la Sunna lors de cette expédition qui est appelée Dhatu Salasil. Lakin ala kulli hal, on sait qu'elle a eu lieu l'an 8 de l'Hijra, et elle a eu lieu après la bataille de Mu'tah, et on sait qu'il y avait eu Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu arda qui était commandant de l'armée lors de cette expédition. Et donc ici, ils n'avaient même pas eu le temps de reprendre leurs forces qu'ils sont repartis dans les limites de la Syrie, aux limites de la Syrie, pour ici repousser les différentes tribus qui s'étaient alliées aux Byzantins et autres. Donc ici, ils sont repartis pour montrer déjà qu'ils n'avaient pas pris la fuite, qu'ils étaient fiers de leur religion et qu'ils n'allaient surtout pas s'arrêter là. Donc ici, ils sont repartis et ils ont réussi, bi'idnillahi azza wa jal, à dérouter une grande partie des associateurs et des alliés des Byzantins. Et ici, ils se sont arrêtés ou déviés vers un point appelé As-Salasil. Et c'est à cet endroit-là qu'ils ont demandé, ou ils ont décidé de demander au prophète alayhi salatu wassalam du renfort. Et de là a été appelée cette expédition Dhatu Salasil. Il y a eu un grand nombre de musulmans qui est venu s'allier à eux. Et ils ont pu, bi'idnillahi azza wa jal, à leur tête Amr ibn al-As, lancer des attaques contre les tribus alliées aux Byzantins. Et ici, ils envahissent sans grande résistance une grande partie, des contrées qui étaient autour de la Syrie. Et à chaque lieu où ils parvenaient, on informait que les troupes venaient de prendre la fuite à l'annonce de leur approche. Et ici, alhamdoulilah, certes, ils n'ont pas eu de grandes batailles, mais juste le fait que les troupes adversaires prenaient la fuite dès qu'ils approchaient, ceci a montré que l'islam se renforçait de plus en plus. Et ça, c'était une petite période, tout de suite après Ghazwatu Mu'tah, la grande bataille de Mu'tah. Et ça nous rappelle qu'ils n'ont pas baissé les bras et qu'ils sont repartis ici pour ici dérouter les associateurs et les alliés des Byzantins. Bihamdillahi azza wa jal. Ala kulli hal, ce qui nous importe le plus, c'est ce qui s'est passé ici, lors de cette 8e année de l'Hijra, toujours, l'année où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé des événements qui s'est passé dans cette année, dans le Coran al-Karim, et particulièrement ce grand événement qui est le grand événement qui est Fathu Makkah. C'est-à-dire ce qu'on appelle aussi Fathu al-Akbar, si on veut, la grande réussite, la grande bataille, l'ouverture de la Mecque, la conquête de la Mecque, par les compagnons bi'idnillahi azza wa jal, et à leur tête alayhi afdalu salati wa azka at-taslim. Wa lidha qala jalla wa ala fi kitabihi al-aziz wa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dans la sourate que la majeure partie d'entre vous connaissent, ici Allah Azza wa Jal rappelle ici la conquête de la Mecque. La conquête de la Mecque, et ici il dit wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Il rappelle Allah Azza wa Jal que cette conquête fut une victoire et que les gens embrassèrent de plus en plus l'islam et que l'islam s'est renforcé de plus en plus. Mais de quelle manière? Ici, on va rappeler quelques événements qui ont précédé. On savait qu'il y avait eu Sulh al-Hudaybiyah. Il y a eu un pacte qui a été mis en place entre les musulmans et entre Quraysh. D'accord? Et ici, dans ce pacte, le prophète alayhi salatu wassalam a fait de nombreuses concessions. Jusqu'à ce que les compagnons et à leur tête Umar ibn al-Khattab avaient très mal. Et ils avaient du mal à comprendre que le prophète alayhi salatu wassalam se soumettait à toutes ces concessions. Lakin le prophète alayhi afdalus salat wa sakat taslim ne voyait pas deux jours ou trois jours, mais il voyait très loin. Et c'était lui qui ne parlait pas poussé par sa passion, mais ce n'était qu'une révélation émanant de son Seigneur Jalla Jalaluhu. Et le prophète alayhi salat wa sallam savait ce qu'il faisait et il savait qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Et c'est ce qu'on appelle toujours al-hikma. Et le prophète alayhi salat wa sallam agissait toujours avec la sagesse, avec al-hikma. Il ne se précipitait pas quand il ne fallait pas se précipiter. Et il se précipitait quand il fallait se précipiter. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal rappelle qu'il y a des moments où il faut se précipiter. وَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَقَالَ جَلَّ وَعَلَى وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتِ الْآيَاتِ. Dans les œuvres de l'au-delà, qui concernent l'au-delà, Allah rappelle qu'il faut se précipiter et pas rester dormir. Dans 6 mois, je me repentirai. Dans 1 an, ici, je ferai le bien. Dans 3 ans, je ferai le pèlerinage. Abadan. Allah Azza wa Jal, il rappelle qu'on doit se précipiter quant aux œuvres de bien. Concernant l'akhira. أعمال الآخرة أما dans les choses concernant أمور الدنياوية لا تعجل يا عبد الله كما قال عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان لا تبخسيبيتبا. Quand tu fais des choses concernant la vie d'ici-bas, va doucement étape par étape. Et c'est pour ça que le prophète عليه الصلاة والسلام dit dans Sahih, la précipitation vient du diable. Voilà le juste milieu. Dans les œuvres de religion ou religieuses, et particulièrement les actes obligatoires qui te sont obligatoires, précipite-toi. Et n'attends pas demain, voilà tout ça, oui, fi Abdallah, et ne dis pas, je ferai dans 2 ans, ou dans 6 ans, ou dans 6 mois, et on ne sait pas quand on va mourir. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous rappelle et nous recommande dans plusieurs versets coraniques de se précipiter dans les œuvres religieuses, et Abdallah. Ici, accumule le maximum de bonnes actions, remplis ton bagage qui va te suivre avec toi dans ta tombe, et n'oublie pas que la tombe, al-qabr, est appelée aussi par Ahlul Ilm, sunduqul amal, c'est-à-dire le caisson des actions. Ici, qu'est-ce qui va te suivre, ya Abdallah? C'est tes actions, c'est tes bonnes actions, et plus tu en auras, et plus ceci sera bénéfique pour toi au jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salam savait comment réagir, et il mettait chaque chose à sa place, chaque chose à sa place. Alayhi salatu wassalam a dit aux compagnons, calmez-vous, patientez, alhamdulillah. Maintenant, on a signé un pacte avec eux. On peut faire ad-da'watu ilallahi azza wa jal pendant une longue période, alhamdulillah. Et nous, on va patienter. Il ne veut pas qu'on fasse al-umra cette année. Ici, on la fera l'année prochaine ou dans 2 ans ou après. Ici, alhamdulillah, le prophète alayhi salam leur rappelait qu'il y a le plus important et l'important. Bien que tout est important en islam, il y a le plus important et l'important. Fais devancer le plus important sur l'important, ya Abdallah. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam, ici, il revient bi-idnillahi azza wa jal, accompagné de 10 000 hommes. Et les voilà qu'ils vont ici conquérir la Mecque avec la plus grande des modesties, comme on va le voir, bi-idnillahi azza wa jal. Ici, Quraysh, ils avaient signé un pacte avec eux. Mais ici, on sait très bien que Quraysh ne faisait que trahir leur pacte. Comme on a vu à travers la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, que aussi il y avait souvent les Arabes, parmi eux les Arabes de Quraysh, ainsi que ici les Juifs qui ne faisaient que trahir les pactes. Mais le prophète alayhi salatu wassalam ne répondait jamais au mal par le mal. Mais quand on voyait une chose qui peut-être pouvait nous paraître dure venant du prophète alayhi salatu wassalam, abadan, ce n'était en aucunement quelque chose de dur ou de mal que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. À titre d'exemple, quand il les attaquait, le prophète, on a dit, on a répété toujours que le prophète ne faisait que se défendre. C'est eux qui provoquaient le prophète alayhi salatu wassalam. On a encore une fois, et une fois de plus un exemple, le sulh al-hudaybiyah. Ici, cette conciliation, il y avait des traités. Ici, ils étaient en paix. Le prophète alayhi salatu wassalam vivait en paix avec eux, mais il faisait une chose qu'il n'aimait pas. Et ça, c'est la preuve que quoi? Comme Allah azza wa jal rappelle dans le Coran al-Karim. Et il rappelle dans plusieurs versets coraniques qu'ils en ont après l'islam. C'est après l'islam. Et ici, le prophète alayhi salam, il a maintenu ici le traité. Mais là, quand ils ont vu la propagation de l'islam, ils ont vu de plus en plus de musulmans. Ils ont vu qu'ils ont patienté. Ils ont vu qu'ici, ils se renforçaient de plus en plus. Ils ne supportaient pas jusqu'à ce qu'ils aient provoqué la rupture du pacte. Quraysh a provoqué la rupture du pacte. Et voilà la cause pour laquelle ou par laquelle le prophète alayhi salatu wassalam a décidé d'aller ici, pas les attaquer, mais de se rendre à la Mecque. Et vous allez voir dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, et ceci bien sûr est connu chez tous, hein, et tout ici c'est une technique de guerre, le fait de vouloir attaquer par surprise. Lakin, regardez la différence entre le prophète alayhi salatu wassalam et ceux qui veulent attaquer par surprise. En général, quand on attaque par surprise, on pense à quoi? C'est quelque chose, on sent ici une certaine tromperie, une certaine traîtrise. Pourquoi tu attaques par surprise? Sois loyal. Là qu'est la différence entre ceux qui attaquent par surprise de façon générale et le prophète alayhi afdalu salati wa azka taslim. Et retenez bien ça, c'est que quand le prophète attaquait par surprise, ce n'était pas pour faire mal, ce n'était pas pour attaquer par traîtrise, mais c'était pour éviter les bains de sang. C'était pour les prendre par surprise, leur faire peur et éviter des massacres, pour leur montrer que khlas, on a le dessus sur vous, donc pliez-vous et il n'y aura pas de guerre. Et voilà ici la technique du prophète alayhi salatu wassalam. Voilà ici la manière de faire du prophète alayhi salatu wassalam et son intention. De la même manière ici, comme on va le voir, quand ils ont voulu aller conquérir la Mecque, Fethu Mecca, ils ont voulu aller conquérir la Mecque, ils ont voulu attaquer par surprise. Et ils allaient le faire, ou plutôt, ils ont ici ouvert ou conquis la Mecque par surprise, mais une personne a failli ou a presque réussi, yani, à éviter cette attaque ou cette conquête par surprise, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Ala kulli hal, ici, ils ont provoqué les musulmans, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Et ils ont provoqué les musulmans à cause de quoi? Ils ont rompu le pacte à cause de quoi? Et on sait très bien qu'il y a un proverbe qui dit ici, isbir ala kaydil hasoud, fa inna sabraka qatiluh, fa an-nar ta'kulu ba'daha in lam tajid ma ta'kuluh. Patiente quant à la ruse du jaloux. Certes, ta patience va le tuer. Et ici, il compare le jaloux au feu. Il dit car le feu, quand il ne trouve plus rien à brûler, il se consume. Et ça, c'est une réalité. Il se consume. Et il y a des gens qui implosent, et surtout les jaloux, ou d'autres qui explosent. D'autres qui implosent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont aucun autre choix, parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas exploser. Et d'autres, ils implosent. Et d'autres, ils explosent. Et ça, en général, c'est chez les jaloux. Et ici, la jalousie, de façon générale, c'est la principale cause de toute autre maladie. Et surtout des plus grandes maladies, comme on l'avait déjà détaillé, Al-Kibr, Al-Kufr, etc., etc. Et même Quraysh, le fait qu'ils n'ont pas maintenu le pacte, c'est pourquoi à votre avis? C'est qu'ils étaient jaloux. Jaloux de quoi? Comment ça nous on met un pacte entre nous et les musulmans? On leur interdit de faire l'Umra cette année, ils disent oui. Mais par contre, on reviendra. On est obligé d'accepter. Mais ils reviennent avec un plus grand nombre. Khlas. On leur fait faire des concessions, ils disent oui à tout. Ils patientent. On les opprime, ils patientent. On leur porte préjudice, ils patientent. Mais il y a de plus en plus de convertis. Et de plus en plus de personnes ou de reconvertis qui embrassent l'islam. Ici, quand ils ne supportent pas, c'est la preuve qu'ils sont jaloux. Et toute personne qui est jaloux, qui sache qu'il ressemble avant tout à Iblis. La'anahullah. Car Iblis, la première des maladies qu'il a eues, c'est quoi? Al-Hasad. Il a jalousé Adam alayhi salam et ça l'a fait tomber dans quoi? Dans Al-Kibr. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ. Ils se sont tous prosternés, sauf Iblis. Il s'est enflé d'orgueil dans un adversaire. Istakbara wa kana min al-kafirin. Il s'est enflé d'orgueil. Il a été certes parmi les mécréants. À cause de quoi? À cause de l'hasad, il est tombé dans le kibr wa al-iyadu billah. Et à cause de le kibr, il est tombé dans quoi? Il est tombé dans le kufr wa al-iyadu billah. Al-hasad. Et les kuffar, les associateurs, ils ont toujours jalousé les musulmans. Toujours. Ad-dalil. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, Muhammad Rasulullah, wallazina ma'ahu, ay, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Écoutez bien. Muhammad Rasulullah, wallazina amanu ma'ahu, wallazina ma'ahu, ashidda'u ala al-kuffar, ruhama'u baynahum, tarahum rukka'an sujjadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah, wa mathaluhum fi al-Injil al-Ayat. Allah Azza wa Jalla, il parle de qui? Du prophète et de ceux qui sont avec lui. C'est-à-dire, as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Ensuite, Allah Azza wa Jalla, il décrit le comportement des compagnons et des croyants de façon générale. Dans Surat Al-Fatih. Écoutez bien. Et il dit avec une traduction approximative. Muhammadur Rasulullah alayhi salatu wa salam. Muhammad l'envoyé d'Allah. Wallazina ma'ahu, ay as-sahaba, et ceux qui sont avec lui, les compagnons. Écoutez bien, les compagnons. Ashidda'u 'ala al-kuffar ruhama'u baynahum, ils sont durs envers les non-musulmans et miséricordieux entre eux. Tu les vois et il décrit les compagnons. Il décrit as-sahaba. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah Azza wa Jal, grâce et agrément, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Ibtida'an as-sahaba, thumma al-mu'minun, ensuite les compagnons, ou ensuite les croyants, de façon générale. Mais avant tout là, on décrit les compagnons. Ici, radiyallahu anhum wa ardahum, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image, fi Torah. Ça, c'est un dalil qu'ils ont été cités dans la Torah. Dans la Torah. As-Sahaba, ils ont été décrits dans la Torah. Dans la Torah. Telle est leur image dans la Torah. Écoutez bien. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, et l'image qu'on donne d'eux dans l'Injil, l'Évangile. Quelle image on a donnée aux compagnons dans l'Évangile? Regardez. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran qu'ils ont été décrits. Non seulement il y a été rappelé la venue de Muhammad alayhi salatu wassalam dans At-Tawrah et dans Al-Injil, mais Allah Azza wa Jalla a décrit As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum et l'imam Malik rahimahullahu ta'ala wa ghayru min ahli al-ilm. Ils ont dit que ça c'est la preuve que Sahaba font partie des plus grands apôtres. Car on sait que Isa alayhi salam il avait des apôtres. On sait que Moussa alayhi salam il avait des apôtres. Mais Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, les compagnons du prophète, l'imam Malik il dit ces versets parmi d'autres preuves, il y a d'autres preuves plutôt aussi, qui montrent que As-Sahaba, les compagnons, sont les plus grands des apôtres. Donc c'est pour ça qu'on dit, les meilleures des créatures sur la surface de la terre, après les prophètes et les envoyés, ce sont As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, kama qala l'imam Malik rahimahullahu ta'ala. Il dit, et l'image que l'on donne d'eux dans l'Injil, l'Évangile, est celle d'une semence qui sort, ça pousse, puis se raffermit, s'épaissit et ensuite se dresse sur sa tige et à l'émerveillement des semeurs. Allah Azza wa Jal, par eux les croyants remplis. Donc Allah Azza wa Jal, par eux, d'accord, Allah Azza wa Jal, par eux les croyants et ibtida'an as-sahaba, donc les croyants et avant tout les compagnons, qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal, remplis de rage, de dépit les mécréants. As-Sahaba, radiyallahu anhum ardahum, à travers eux, Allah Azza wa Jal, il remplit de rage et de dépit les mécréants. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal les rappelle comment ils ont été décrits dans la Torah. Ils ont été décrits dans l'Évangile. Et Allah, il dit, par eux, Allah Azza wa Jal, il remplit de rage et de dépit les non-musulmans, les associateurs, les kuffars. Al-ulama, ils ont dit, ça c'est la preuve que quoi? Même les non-musulmans, même les associateurs, ils étaient jaloux de qui? Des compagnons radiyallahu anhum wa ardahum. Mais ça c'est une preuve. C'est une preuve que de façon générale, les non-musulmans sont jaloux des musulmans. Et les causes principales c'est que quoi? Les mosquées sont pleines. Il y a de plus en plus de musulmans. La religion où tu verras les gens s'attacher le plus à leur religion, c'est dans l'islam. La religion aujourd'hui où il y a le plus d'actes d'adoration et le plus de fidèles qui sont ici, yani strict quant à la pratique de ces actes d'adoration et fier quant à la pratique de ces actes d'adoration, c'est chez les musulmans. Oh, vous allez voir ici une, ne serait-ce que ça soit yani n'importe quel lieu de culte aussi rempli que les mosquées chaque jour, les musulmans. Oh, vous allez voir maintenant, même au jour d'aujourd'hui, une religion où il y a autant de jeunes dans ou qui embrassent cette religion, autant de jeunes. C'est l'islam. Où vous allez voir au jour d'aujourd'hui une religion qui est stigmatisée et dénigrée autant que l'islam, et avec cela, c'est la religion où il y a de plus en plus de convertis à l'islam chaque année. C'est l'islam. Et avec cela, wallahi al-azim, même au jour d'aujourd'hui, on retrouve le comportement de certains associateurs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, dû à quoi? Al-hasad, la jalousie. Quand on creuse loin, wallahi al-azim, on retrouve le comportement qu'ils ont eu, c'était quoi? La jalousie, al-hasad. Et nous, on ne répond pas au mal par le mal. Ça ne va pas dire parce qu'on est dénigré, pas par tous, certes, il ne faut pas généraliser, mais par une grande partie de non-musulmans au jour d'aujourd'hui, malheureusement, un peu partout dans le monde, nous, on n'a pas le droit, et ça ne fait pas partie du comportement et de l'éthique du musulman, et ici, de la sagesse du musulman, que de répondre au mal par le mal, abadan. Lakin répond avec sourire, sourit, et patiente, et répond au mal par le bien, et dit il n'y a aucun souci. Lakin, une chose qu'on ne t'interdit pas, c'est de quoi? De transmettre la religion. Transmets la religion de la meilleure des façons, et fais comme le prophète alayhi salatu wassalam a fait. Le prophète alayhi salatu wassalam, on lui a fermé plein de portes, plein, mais une porte, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu qu'il pouvait préserver cette porte en faisant d'autres concessions, c'était la porte de quoi? Babu da'wa. La porte de da'wa. Et il a laissé toutes les portes se fermer, mais il s'est dit, khlas, si cette porte reste ouverte, wallahi al-azim, c'est cette porte qui va nous ouvrir toutes les autres portes. Ad-da'watu ila Allah azza wa jalla. Et regardez ici, Quraysh, quand ils ont vu toutes les portes, ils ont fermé toutes les portes, ils ont dit, on lui a laissé une petite porte, ad-da'wa. Khlas, qu'est-ce qu'il va faire? Jusqu'à ce qu'ils ont dénigré quand il y a eu, ici ils ont dénigré les musulmans quand il y a eu Umratul Qada, et ils ont dit, khlas, regardez la jalousie. Ça c'est pas la jalousie, maintenant quand on comprend bien c'est quoi la jalousie en islam, ils ont vu les compagnons revenir et faire Umratul Qada, ici la Umrah de la compensation, ils ont dit, mais regardez, ils sont devenus faibles. Parce qu'ils disent, comment ils ont patienté? Ils rompent jamais les pactes, ils trahissent pas les pactes, et non seulement maintenant ils reviennent, et ils voulaient pas les laisser revenir jusqu'à ce qu'ils ont dit, oui, ils se sont, yani, affaiblis, etc., etc. Le prophète alayhi salam, il a réagi avec quoi? Avec sagesse, avec basira, clairvoyance, avec lucidité. Il leur a dit quoi? Ici, découvrez votre épaule droite et trottinez pendant les trois premiers tours. Et ici, on répond pas au mal par le mal. Il est parti, pas parti les voir et dit, pourquoi vous parlez de nous? Laissez-nous tranquilles, on a et aboyé pour rien. Abadan! Le prophète alayhi salatu wassalam, il a réagi comme aucun homme sur la surface de la terre au jour d'aujourd'hui ne pourrait réagir, avec sagesse. Et il montre, khlas, ne confondez pas gentillesse avec faiblesse. Nous, on n'est pas faible. Regardez, ne pas confondre gentillesse avec faiblesse. On n'est pas faible. Découvrez votre épaule droite et trottinez les trois tours et montrez-leur que, alhamdoulilah, on est en pleine forme. Mais ne leur parlez pas. Ça sert à rien. Ne provoquez pas. Et répondez pas à la provocation par une autre provocation. Et ne rentrez pas dans leur engrenage, car c'est des jaloux. Et il dit, الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Allah se patiente quand il y a des jaloux. Que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et on a dit, le jaloux avant tout, il ressemble à Iblis. Et après, il ressemble à qui? Aux Quraysh qui ont jalousé le prophète alayhi salatu wassalam. Et aux infidèles qui ont jalousé le prophète ainsi que les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum wa l'ayyadu billah. Wa kama qala al-Hassan al-Basri rahimahullahu ta'ala, tout le monde a de la jalousie en soi. Tout le monde. Lakin ce qui nous importe, c'est de canaliser cette jalousie. Et de ne pas extérioriser cette jalousie avec des mauvais propos, ou avec le mauvais œil, ou avec le fait de dénigrer ton frère, ou avec le fait de vouloir que le bienfait qui est chez ton frère disparaisse. Lakin, tu laisses cette jalousie mourir en toi, et tu fais du'a pour lui, et tu demandes, Ya Allah, comme tu as donné ce bienfait à mon frère, donne-moi ce bienfait aussi. Alhamdulillah. Lakin, laisse cette jalousie mourir en toi, fais du'a pour ton frère, et dis, Masha Allah, tabarak Allah. Et c'est comme ça que réagit le croyant, le musulman, pour pas ressembler à Iblis, la'anahullah, et ressembler aux infidèles, et particulièrement aux Quraysh qui ont jalousé, alayhi afdalus salati wa askat taslim. Ils ont jalousé le prophète alayhi salatu wa salam, lakin alhamdulillah, le prophète a toujours répondu avec sagesse. Et ici, ce manque de discernement qu'ont eu Quraysh, ici alors qu'ils étaient à la Mecque, le manque de patience, dû à quoi? À cette jalousie qu'ils ont fait exploser. Ils ont explosé, ils n'ont pas implosé, ils ont explosé. Ils ont extériorisé cette jalousie, cette haine qu'ils avaient, wal'iyadu billah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé ici, Quraysh et les alliés des Bani Bakr, ils ont commencé à attaquer Khuza'a. C'était une tribu alliée des musulmans qui était à la Mecque. Et ici, alors qu'ils rappelaient le pacte qu'il y avait entre eux et les musulmans, ils n'ont fait que dire, on n'en a que faire de votre pacte. Et ils ont commencé à ici les attaquer et à tuer ici des croyants, des musulmans, et les Bani Bakr, aidés par Quraysh qui les fournissaient aux armes, les encourageaient à l'iniquité, continuèrent à tuer en plein territoire sacré, ici, c'est-à-dire à la Mecque. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a entendu ça, khlas, la darara wa la dirar, walakin ya Abdallah, comme le prophète alayhi salatu wassalam rappelle, il n'y a ni préjudice à faire à autrui ni à soi-même, ça c'est clair. Et on répond pas en mal par le mal. Mais est-ce que là, le prophète alayhi salatu wassalam a fait du mal? Ce n'est pas du mal, c'est une défense. Il a défendu, ici, les musulmans qui étaient attaqués. Alors qu'il y avait un pacte, un traité, et on sait très bien que dès qu'il y avait un des deux parties qui rompait le pacte, ici, khlas, il n'y avait plus de pacte. Il n'y avait plus de traité qui tienne. Donc est-ce que le musulman, il est faible? Abadan. Le musulman, il respecte toujours les pactes. Et on n'a pas le droit de trahir les pactes, que ça soit envers un musulman et un non-musulman. Ça, c'est interdit en islam, bi ijma'il ulama, à l'unanimité des savants. Personne n'a le droit de trahir un pacte en islam. Comme si une personne, par exemple, à titre d'exemple, une personne allait rentrer dans un pays non-musulman, par exemple en France, il est régi sous un pacte, c'est par exemple le visa. On lui permet de rentrer dans ce pays et de vivre dans ce pays. Tu es régi sous un pacte, Ici, est-ce que tu es en guerre ici en France? Tu n'es pas en guerre. Quelqu'un va dire, bon maintenant, il se passe quelque chose dans un autre pays et j'ai entendu qu'un Français a tué un musulman, donc je déclare la guerre aux Français en France. Est-ce que tu as le droit? Et seuls les ignorants, al-juhal, le font. Seuls les ignorants répondent au mal par le mal de cette manière et ça c'est interdit à l'unanimité des savants. Abadan, même s'il y a un problème et toi tu vis en France et des Français sont la cause de ce problème, même s'il y avait contre des musulmans, tu n'as pas droit de mélanger ici les problèmes, d'importer les problèmes. Tu es régi sous un pacte, tu vis dans un pays où tu es régi sous un pacte et tu dois respecter les musulmans et non musulmans qui vivent dans ce pays-là. C'est ça l'islam, c'est ça la justice de l'islam et c'est ça l'équité de l'islam. Là le prophète il avait un pacte avec eux, mais ils ont rompu le pacte et non seulement ils ont rompu, ils ont tué des musulmans. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam allait laisser faire, khlas, c'en est de trop, alayhi afdalu salati wa askat taslim, il a réuni les musulmans et il a décidé d'aller vers la Mecque, Mecca, et d'aller conquérir la Mecque. Soit ici ils se soumettent, ou soit c'est l'attaque, khlas, on va défendre nos frères, on va défendre ici nos sœurs, on va défendre nos femmes, ils ne veulent pas ici rester régis sous le pacte, khlas, on y va. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a jamais voulu verser le sang, alayhi salatu wassalam. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Si le prophète alayhi salatu wassalam aimait verser le sang gratuitement, wallahi, plus d'une fois, il aurait pu verser le sang ici et avoir le dessus sur les infidèles et sur certains infidèles. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours ici opté pour la réconciliation, pour l'apaisement. Et comme on va le voir ici, incha'Allah ta'ala, lors de cette conquête, le prophète alayhi salatu wassalam a réuni les musulmans ici. Ils étaient à peu près 10 000 hommes. Il y avait Al-Muhajiroun, il y avait Al-Ansar, il y avait différentes tribus arabes qui se sont alliées au prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, on avait dit qu'il voulait les prendre par surprise. C'était pas par traîtrise, mais il s'est dit, khlas, si je les prends par surprise, il y a moyen de négocier et d'éviter un massacre. Donc ici, on va les prendre par surprise. Il a préparé les compagnons. Ici, il allait partir avec eux, mais il y a eu une fuite. Ou plutôt, il y a presque eu une fuite ou un désastre qui a été évité, alhamdoulillah. Car le prophète alayhi salatu wassalam a reçu une révélation. Et le hadith, il est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, un long hadith. Et le prophète alayhi salatu wassalam, regardez, il montre comment il a réagi lors de cet événement-là. Et retenez cet événement-là. Et ça, c'est une réponse à beaucoup d'égarés au jour d'aujourd'hui qui passent leur temps à critiquer des gens de science et à critiquer des personnes de bien. Et retenez bien cette preuve, enregistrez-la, comprenez-la, mettez-la ou gravez-la dans votre cœur et dans votre cerveau. Rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, d'après Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu arda, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam me chargea, c'est-à-dire Ali, il raconte, je vous lis le récit, me chargea d'une mission avec Zubayr et Al-Miqdad radiyallahu anhum ajma'in. Ici, écoutez qu'est-ce qu'il dit. Il dit, vous partirez jusqu'au verger de Khar, et vous y trouverez une femme qui porte une lettre. Il a eu une révélation, le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit, vous allez aller jusqu'à cet endroit et vous allez voir une femme. Cette femme-là porte une lettre. Enlevez-la lui. Ainsi dit, ainsi fait. Nous partîmes au galop jusqu'à cet endroit-là, Khar. La femme y était. Elle nia à voir la lettre. Ils lui ont dit, donne-ta une lettre. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a reçu une révélation. Il a dit, donne-ta une lettre. Elle dit, je n'ai pas de lettre. Ils lui ont dit, ou tu donnes la lettre, ou on sera obligé de te fouiller. Tu te débrouilles. Ici, la femme, elle a tiré la lettre. De quoi? De ses nattes. Elle avait caché cette lettre-là, ici, dans ses nattes, dans ses cheveux. Et ici, quand elle les a tirées, nous retournâmes, il dit Ali, radiyallahu anhu arda, avec les compagnons, aussitôt à Médine, la remettre au prophète, alayhi salatu wassalam. À ce moment-là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il ouvre la lettre, et c'était un message d'un grand compagnon, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, pour les Quraysh, écoutez bien, un grand compagnon qui s'appelle Hatib, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, écrit par Hatib. Donc ici, Hatib, ici, il a écrit cette lettre-là. Pour avertir Quraysh que le prophète, alayhi salatu wassalam, allait les attaquer. C'est quoi ça? Comment on appelle ça? C'est une trahison, ça. On va dire, je ne parle pas de Hatib, radiyallahu anhu arda. Quelqu'un qui fait ça, on va dire, c'est un traître. On est d'accord? Imaginez-vous, vous vous préparez, ici avec le prophète, tout le monde se prépare, le prophète reçoit une révélation. Attention! Quelqu'un est en train de rappeler, ou quelqu'un, il y a une personne qui veut montrer au Quraysh que vous allez venir les attaquer par surprise. Donc le plan peut tomber à l'eau. Donc allez chercher cette femme. La femme, elle prend, on voit, ils ouvrent la lettre, on voit que c'est qui? Un compagnon qui est avec toi et qui vit avec toi. Imaginez-vous la réaction des compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Et à votre avis, quelle a été la réaction de celui qui a été traité comme terroriste, comme celui qui aime verser le sang, comme celui qui est dur par certains ignorants, wal'iyadhu billah. Regardez ces histoires, c'est ces histoires qu'il faut rappeler aux non-musulmans. Et à ceux, et je ne généralise pas, à ceux qui donnent une mauvaise image de l'islam et du prophète alayhi afdalu salati wa askat taslim. Le prophète alayhi salatu wa salam, il a lu au compagnon, il a dit voilà, donc cette lettre-là, c'était de Hatib, ici à certains mécréants de la Mecque. Et il les informait de quelques dispositions qu'on allait prendre ou entreprendre contre eux. Donc il met au courant les compagnons. Khalas. Le prophète alayhi salatu wa salam, il fait venir le compagnon, radiyallahu anhu wa arda, qui a attesté et qui a été présent à la bataille de Badr. Et on sait que Allah Azzawajal, il a dit que tous les personnes qui étaient ou qui ont assisté à la bataille de Badr, ils sont pardonnés. Khalas. Tout ce qu'ils peuvent faire par le futur, ils sont pardonnés. Khalas. Ça c'est quoi? C'est un cadeau. C'est un cadeau, si on veut un cadeau divin. Allah Azzawajal a voulu que tous ceux qui ont participé à la première bataille, bataille de Badr, tout ce qu'ils feront même par la suite, ils sont pardonnés. Et mais dans ces personnes-là, il y avait ce compagnon, radiyallahu anhu arda, celui-là qui allait donner l'information, Quraysh, attention, le prophète va vous attaquer. Mohammed, alayhi salatu wasalam, et les compagnons vont vous attaquer. Et il y avait ce compagnon. Ah, il y a un problème là. Regardez le prophète, alayhi salatu wasalam. Il fit venir l'homme et lui dit, Ya Hatib, qu'est-ce que c'est? Il répondit, Ya Rasulallah, ne te précipite pas sur moi. Laisse-moi t'expliquer. Ne te précipite pas, Ya Rasulallah, laisse-moi t'expliquer. Omar, radiyallahu anhu arda, il dit, Ya Rasulallah, da'ni. أضرب عنقه عنق هذا المنافق. Laisse-moi que je frappe la nuque de cet hypocrite, que je lui coupe la tête tout de suite. Tu commences à lui, viens, il nous, c'est un traître. Commence à, tu vas parler avec lui. Le prophète Ali se dit laisse-le. خلاص, laisse-le finir. Donc ici qu'est-ce qu'il dit Hatim? Il dit laisse-moi parler, ya Rasulullah. Il dit wallahi, ce n'est pas par reniement sur l'islam. Je n'ai pas du tout apostasié la religion, abadan. Wallahi, je suis musulman. Et ici, je n'ai pas fait parce que je ne voulais plus être musulman, je suis un hypocrite, pas du tout. Et le prophète l'a laissé se justifier. Il a dit, Omar, laisse-le, khalas, on lui coupe pas la tête. Omar, calme-toi. Omar, il était très dur, on sait très bien sur ça. Il n'y avait pas de rigolade avec lui. Il a dit, laisse-le s'expliquer. Il s'explique. Et ici, il dit, je n'appartenais pas à Quraysh par filiation, mais j'étais un de leurs alliés. En revanche, tes compagnons immigrants y avaient des liens de parenté qui protégeaient leur famille et leurs biens. C'est pourquoi j'espérais par ce geste susciter la gratitude de certaines personnes de la Mecque qui puissent protéger les membres de ma famille. Je n'ai ni apostasie, ni dénié devenir mécréant après mon islam. Donc il a fait ça pourquoi? Parce qu'il s'est dit, j'ai trop peur pour ma famille. J'ai peur de ce qui va arriver à ma famille si par exemple il y a cette attaque et ici on perd. Ici j'ai peur qu'ils se vengent sur toutes les personnes qui font, ou toutes les familles des musulmans et qui, parce qu'on sait qu'il y avait des musulmans encore là-bas. Et qui se faisait opprimer. On avait rappelé ça dans le pacte de Al-Hudaybiyah. C'était quoi là, parmi les traités? C'était que quoi? Si il voulait venir voir le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit, regardez les concessions, alayhi salatu wassalam. S'il y avait des personnes qui voulaient rejoindre le prophète à Médine, impossible. On les laissera pas. Mais par contre, qu'est-ce qu'ils ont dit? S'il y a des gens qui veulent venir nous rejoindre et ils délaissent ta religion, tu dois les laisser venir. Nous, on aurait dit quoi? Comment ça? Mais on va où là? Vous, nous, on les laisse rentrer chez vous, mais les nôtres, non, ils n'ont pas le droit de revenir. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rappelé que quoi? Khalas. Cela, Allah Azza wa Jal leur permettra de patienter. Ils patienteront bien, là comme ont patienté les premiers. Et le secours sera vient avec la patience. Tandis que eux, ceux des leurs qui veulent venir, qui veulent partir avec eux, s'ils étaient avec nous, alhamdoulilah, c'est un bien. Pourquoi? Parce qu'Allah, il nous débarrasse des hypocrites et des gens qui ne servent à rien chez nous. C'est pour ça que c'est un bien. Et parmi le plus grand des biens qu'il y a dans des épreuves, c'est qu'il y a quoi? At-tamyiz, la distinction entre le véridique et le menteur. C'est pour ça que quand tu vois des épreuves, tu vois quelqu'un qui quoi? À travers les épreuves, tu vois qu'il flanche et qu'il délaisse même la religion. Allah Azza wa Jalla montre que c'était un menteur. C'est pour ça que c'est un bien les épreuves quelquefois. Et c'est pour ça que c'est un bien de savoir ici qui est avec toi, qui n'est pas avec toi. C'est un grand bien. Le prophète il a dit, khalas, ceux qui sont avec nous, qui veulent partir avec eux, qui partent au moins, khalas, on sait clairement qu'ils ont droit de partir. Ils vont pas cacher ici leur appartenance à l'idolâtrie, etc., à l'association à Shirku Billahi Azzawajal, etc., ou leur association Quraysh, ils partent et ils nous débarrassent d'un fardeau. Donc ici, il y avait des musulmans là-bas. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a entendu ces paroles, c'est-à-dire de Al-Hatib, ici qui disait, moi j'avais peur pour ma famille. Ya Rasulallah, j'avais peur pour ma famille. J'avais peur que si on perde la bataille, il tue ma famille. Donc c'est pourquoi qu'il l'a fait. C'est par peur pour sa famille. Et il a bien dit, c'est pas que je dédaigne l'islam ou je veux attaquer l'islam ou abadam je veux apostater. C'est que j'avais tellement peur pour ma famille, c'est une faiblesse qu'il a eue. Donc on sait que, al-insan khuliqa al-insan dha'ifa kama qala jalla wa ala, l'être humain a été créé faible. Il a eu une faiblesse. Mais à côté, il a attesté, il a participé à la bataille de Badr. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit, innahu qad sadaqakum, certes, il vous a certes dit la vérité, mais Omar répliqua, alors qu'il voulait le couper la tête, le prophète Assam lui a dit, non, ya Omar, et le prophète, il a répété, certes, il vous a dit la vérité. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il dit, et il a certes assisté à Badr, et qui sait, peut-être Allah, azza wa jalla, a-t-il sondé le fond de ceux qui avaient assisté à Badr pour leur dire, faites ce que vous voulez, je vous ai certes pardonné. Il dit, il a assisté à Badr. Et Allah Azza wa Jalla a révélé un verset coranique sur cette situation. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم الآيات. الله عز وجل parle de ici Hatib et il lui rappelle que ce qu'il a fait c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et il rappelle à l'ensemble des musulmans que cette chose n'est pas quelque chose de bien. Et il dit dans le Coran al-Karim, écoutez bien dans Sourate l'Éprouvé, premier verset coranique. « Ya ayyuha alladhina amanu, ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour allié mon ennemi et le vôtre, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu de la vérité. » Donc il dit ce message avant tout à Hatib. Ne fais pas ça alors qu'ils ont nié la vérité, ils sont ennemis pour moi et pour toi aussi. Et pour vous aussi. Et il dit Allah Azza wa Jal dans le Coran, ils expulsent le messager et vous-même. C'est pas que le prophète, le messager et vous-même. Parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié. Donc regardez, il parle de qui? Hatib. Et il dit ensuite, Allah Azza wa Jal, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare de la droiture du sentier. Donc ici une mise en garde de ne pas recommencer. Ce qui nous apporte dans cette histoire-là. C'est quoi? Hatib, il a réagi comme un traître. C'est vrai ou pas? Hatib, il a été pardonné par le prophète alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jalla a révélé un verset coranique pour rappeler que quoi? Pour rappeler, attention, l'explication. Allah Azza wa Jalla l'explique. Donc on voit la sagesse, la bonne exhortation, même venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas dit c'est un hypocrite, il faut le tuer. Il rappelle de façon générale. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, comment il parle. Comment il exhorte les croyants et avant tout, Hatib ici. Il dit, ici c'est des ennemis, que ce soit pour le prophète, mais pour vous, pour toi aussi, il y a Hatib, pour nous tous. Donc ici, attention, tu es concerné aussi. Donc ici, ça ne sert à rien de vouloir ici entreprendre des discussions secrètes avec eux, car ils te veulent du mal à toi et au prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, le secours, on le cherche auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, une exhortation pour Hatib et l'ensemble de la communauté. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, a rappelé quoi? Il a rappelé le bien qu'il avait Hatib ou pas? Il a rappelé le bien, clair. Première des choses, c'est quand tu vois une personne qui a plus de bien que de mal, fais devancer le bien qu'il a et délaisse le mal qu'il a. Et c'est pour ça que Ibn Rajab, rahimahullahu ta'ala, il dit « Al-adil fil hukm » Celui qui est équitable dans le jugement, et retenez bien ça. Celui qui est équitable dans le jugement, c'est celui qui pardonne le peu d'erreurs face à beaucoup de qualités ou beaucoup de biens. Ça, c'est la personne équitable dans le jugement, envers ton frère et ta sœur. Quand tu vois ton frère qui fait peu d'erreurs, même il fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs. Kullu bani Adam khata kama qala alayhi salatu wassalam. Tous les enfants d'Adam font des erreurs, mais tu vois qu'il y a peu d'erreurs. Et à côté, il y a beaucoup de biens, beaucoup de qualités. Pardonne le peu d'erreurs, oublie le peu d'erreurs, efface le peu d'erreurs, car la personne à côté, il a beaucoup de qualités. Et ça, si tu as compris ça, ya Abdallah, wallahi al-adim, tu pourras être équitable quand tu juges entre deux personnes, équitable envers toi-même, et équitable quand tu juges un frère ou une sœur. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal nous rappelle l'équité. L'équité même quand on juge entre les gens, et quand il dit Allah Azza wa Jal, ya ayyuha alladhina amanu. Ya ayyuha alladhina amanu, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, plus loin, وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الله عز وجل vous ordonne de restituer les dépôts aux ayants droit, et quand vous jugez entre les gens, de juger avec équité. Mais si tu ne connais pas ça de la vie du prophète عليه السلام, non, on va dire, si tu ne connais pas ces règles-là, comme il a dit Ibn Rajab, على الأقل, au moins tu connais les règles, c'est-à-dire celui qui est équitable dans le jugement, c'est celui qui quoi, il pardonne le peu d'erreurs face au grand nombre de qualités. Si tu ne connais pas au moins la règle, et de façon plus complète, on va dire si tu ne connais pas la règle et pourquoi cette règle. Par exemple, l'histoire de Hatim. D'où ils ont puisé, al-ulama, cette règle-là. Regardez comment le prophète, alayhi salatu wasalam, a réagi. Il a effacé le peu d'erreurs, même si c'est une grave erreur, mais c'est une. Grave erreur, mais une. Mais à côté, il a participé à la bataille de Badr. Ceux qui, bi-idnillahi azza wa jal, ont reçu le pardon de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Faites ce que vous voulez. Donc regarde à côté, il y a plus de bien ou de mal? Il y a plus de bien. À côté, on va dire c'est une grave erreur. Mais à côté, regardez la récompense qu'il a. Cette parole, qui a reçu cette parole? Faites ce que vous voulez, vous serez pardonné. Regardez, grave erreur pour une immense ou un immense cadeau de la part de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça, la personne équitable dans le jugement. Donc première des choses, quand tu vois ton frère et ta sœur. Alors que dire de ahlul ilm, les gens de science, ahlul dhikr, les gens du rappel, les prêcheurs, ad-du'atu ilallahi azza wa jal, les prêcheurs et les égarés qui viennent et qui dès qu'ils voient une personne ou un prêcheur qui a fait deux erreurs, ou quatre, ou même une erreur dans l'aqidah, mais une erreur, mais à côté il a d'immenses qualités, il le transforme, c'est-à-dire ce prêcheur en un paillasson où tu t'essuies les pieds dessus et tu marches et tu pars et tu l'oublies. Alors que lui, il s'est même pas récité surat al-kawthar sans erreur. Alors que lui, subhanallah al-ali al-azim, si tu parles avec lui sans qu'il ait de livre ou de feuille ou un ordinateur devant lui, il ne sait même pas parler avec toi concrètement dans une assise pendant une demi-heure, que ça soit dans le fiqh, ou que ça soit dans usul al-fiqh, ou que ça soit dans l'aqidah, ou que ça soit dans tafsir al-qur'an, ou que ça soit dans ahkam al-tajwid, dans rien du tout. Il lui faut toujours son ordinateur faire des copier-coller et dire, Shir Intel a fait un rad sur un autre. Shir Intel a mis une mise en garde sur un autre. Shir Intel a dit ceci, cela. Ya jahil. Ya ignorant. Est-ce que toi, Allah Azza wa Jalla, t'a donné un cerveau pour réfléchir et pour ici utiliser cette intelligence dans le bien ou pour fermer tes yeux ici et fermer ton cœur et ouvrir que tes oreilles? Subhanallah, ici tu as un cœur, ici tu as des yeux, ici tu as des oreilles, ici tu as un cerveau. Utilise tous ces bienfaits pour rechercher la vérité, ya Abdallah, et ne suis pas aveuglement une parole ou deux paroles, ou parce qu'un cheikh a dit, ou parce qu'un savant a dit. Le savant, il peut pas se tromper. Et est-ce qu'il y a qu'un savant? Est-ce qu'il y a qu'un savant? Subhanallah, un savant, il dit, quand tu leur dis, mais il y a tel savant qui a dit, non. Et après, ils te sortent des règles, mashallah. Ils te prennent des règles de mustalah al-hadith, des normes du hadith, et ils les font rentrer n'importe où. Et ça, c'est ça le jahil, vous allez voir. Celui qui met les choses pas à leur place. Il ne met pas les choses à leur place. Il utilise du vrai, mais il met ce vrai-là dans un endroit qui n'est pas un endroit propre à lui. Ou un endroit, ici, où on peut placer cette chose-là, ou cette règle-là, ou cet avis-là. Ça, c'est les ignorants, wal'iyadu billah. Et ça, c'est une règle générale, comme ils disent ahlul ilm. C'est-à-dire que celui qui est équitable dans le jugement, n'oubliez pas ça. C'est quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup de qualités, et qu'il y a peu d'erreurs, pardonne les peu d'erreurs. Le peu d'erreurs, et ici, regarde. Le grand nombre de qualités, que ça soit dans la science, que ça soit avec ton frère, pour un conflit de dunya, pour un petit conflit, pour un conflit mondain, pour un conflit religieux, pour n'importe quel conflit. Regardez, une solution ici, pourquoi? Pour être équitable quand tu juges entre les gens ou tu juges une personne, et Abdallah. Deuxième des choses, attention. Ici, il s'est justifié, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, justifie-toi. Naam, le prophète alayhi salatu wasalam lui a dit, viens ici. Il lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Donc il l'a interrogé. Donc c'est pas, on va dire, une personne, on va avoir une erreur, on se tait, c'est pas grave. Non, tu vois l'erreur, tu l'appelles. Mon frère, tu as fait une erreur, al-nasiha, al-din al-nasiha. Prophète, est-ce qu'il lui a fait une nasiha? Khalas. Donc prends la compréhension complète. Fais pas comme certains ignorants. Ils prennent que la moitié, ici la moitié du récit ou la moitié de la morale. Ils disent, wa khalas, quelqu'un il a fait une erreur, donc regarde, Hatib ici, le prophète Aïssam lui a pardonné, j'ai compris la règle. Mais attends, le prophète l'a appelé, appelle ton frère. Et akhi, t'as des erreurs. Donc moi j'ai plus d'erreurs que toi peut-être, mais là t'as une erreur, fais-lui une nasiha. Troisième des choses, est-ce que Hatib il a accepté ou il a dit, non moi c'est pas une erreur, donc moi khlas, il a accepté ou pas? Bien sûr qu'il a accepté. Est-ce que vous croyez que le prophète alayhi salatu wassalam l'aurait excusé s'il n'accepterait pas, il persisterait et il continuerait dans son égarement, il aurait pris une autre personne pour avertir Quraysh ici que les musulmans allaient attaquer. Khlas, il s'est justifié. Allah Azza wa Jalla a descendu le verset coranique, Sami'na wa ata'na. On a entendu, on a obéi. Khlas, est-ce que la personne à qui tu as fait un conseil, elle s'est soumise à la vérité? Elle s'est soumise. Elle a accepté le conseil. Elle a fait une erreur immense, mais elle a reconnu. À côté, elle a beaucoup de bienfaits. Pardonne, ya Abdallah. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Allah il parle des bienfaisants et il dit, il montre leurs critères et il dit ce qui refoule leur rage et qui pardonne à autrui, certes Allah aime les bienfaisants. ومن عافى واصلح. Allah عز وجل dit dans le Coran, celui qui pardonne et qui réforme, sa récompense incombe à Allah عز وجل. Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, il dit celui qui pardonne et qui réforme. C'est-à-dire que quand tu pardonnes à une personne, il faut que la personne qui t'ait fait du mal ou qui ait fait une erreur, elle se réforme. Elle se réforme. Sinon, Cheikh Al-Uthaymin, il ne dit pas de pardon. Pourquoi? Si quelqu'un va voler, il va voler. Tu vas dire, khlas, il a volé chez moi, je lui pardonne. Regardez la compréhension complète. Wallah, il y en a plein, ils comprennent les choses, mais à moitié. Ou un tiers, ou un demi. Ici, si tu pardonnes au voleur qui t'a volé chez toi, tu dis, khlas, والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب. خلاص, tu m'as volé, je te pardonne. Est-ce que c'est bon ou pas? Tu pardonnes s'il reconnaît son erreur et il se réforme. Parce que sinon tu vas cautionner quoi? Tu vas cautionner le fait qu'il va voler chez ton voisin. Parce que lui va dire, خلاص, il m'a rien dit, donc c'est bon. خلاص, je vais recommencer. Donc vous voyez, le fait de mal comprendre la chose ou de la comprendre qu'à moitié. Tu pardonnes s'il y a une réforme. S'il se réforme, il s'excuse, il se soumet à la vérité, il se soumet, c'est pas il la reconnaît, il se soumet à la vérité. خلاص, à ce moment-là, il demande pardon. Il s'est réformé, pardonne, même s'il a fait je ne sais quel péché. Même s'il t'a je ne sais pas quoi fait, ya Abdallah, pardonne. Wallah, et plus tu pardonneras, et plus tu te rapproches de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Et Allah, Azza wa Jalla, ne cesse de t'élever des degrés, tant que tu ne cesses de pardonner à ton frère. Et c'est pour ça que le prophète, Azza wa Jalla, dit, man tawada'a lillah rafa'ah. Celui qui se rabaisse pour Allah, Azza wa Jalla, l'élève, comme a fait Sahih Muslim. Donc pardonne, il n'y a pas de problème. Mais comprends tout. Tu pardonnes s'il a reconnu son erreur. Et s'il s'est réformé, pardonne. Même s'il a fait je sais pas quoi. Il a voulu te tuer. Pardonne, c'est pas grave. Ya Akhil Karim, tu vas mourir, il va mourir. Si tu ne pardonnes pas, tu vas gagner quoi? Ça y est, ton âme, elle va être satisfaite. T'as gagné quoi? T'as rien gagné. Si tu pardonnes, ici t'as gagné quoi? Tu t'es rapproché d'Allah Azza wa Jal. Et le prophète, alayhi salatu wasalam, dit toute personne qui peut extérioriser ou se venger sur une personne qui lui a fait du mal. Et qui retient sa colère alors qu'il peut se venger. Allah Azza wa Jal l'appellera au jour de la résurrection au paradis. Devant qui? Devant tous ses serviteurs. Et il lui dira, choisis une des femmes que tu veux parmi Hur al-Ain, les ouris du paradis. Alayhi afdalu salati wa skatassin. T'as tout gagné, ya Abdallah. T'as tout gagné si tu pardonnes. Si la personne s'est réformée. Donc ici, c'est la troisième chose à retenir, c'est-à-dire que on pardonne ici si la personne reconnaît et si la personne se réforme. Et ici, ils sont partis, et on terminera pas aujourd'hui bien sûr, mais à la kulli hal, ils sont partis ici et on est toujours à l'an 8 de l'Hégire où il y a eu Fath Mecca, la conquête de la Mecque, le jour où le prophète alayhi salatu wassalam est rentré à la Mecque tête baissée avec ce qu'on appelle at-tawadu', la modestie alayhi salatu wassalam, et c'était en plus pendant le mois du Ramadan. Pendant le mois du Ramadan, l'année 8 de l'Hégire, ils se sont rendus vers la Mecque, alayhi salatu wassalam. Et il avait rencontré sur la route, il avait rencontré Al-Abbas, radiyallahu anhu an abi. Et ici, Al-Abbas, il est dit, ici qu'il se rendait vers Médine. Il partait vers Médine. Il était parti de la Mecque, il était musulman. Et il ne savait pas que le prophète, alayhi salatu wassalam, venait. Il a rencontré le prophète, alayhi salatu wassalam. Et quand il a été pris d'étonnement, le prophète alayhi salam lui a raconté ce qu'ils allaient faire et ce qu'ils allaient entreprendre, c'est-à-dire ici conquérir inshallah ta'ala la Mecque, dû aux persécutions qui avaient été faites ici contre certaines tribus musulmanes. Et ici Al-Abbas s'est allié au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont continué la route, et le prophète alayhi salam a continué la route, et il s'est arrêté dans un endroit près de la Mecque avant de les attaquer. Et eux, ils ne savaient pas encore. Mais quoi, ils ne savaient pas encore? Ils se sont arrêtés dans un endroit très près de la Mecque. Et ils ont décidé de camper la nuit dans cet endroit-là. Et cet endroit-là, quand il s'est mis ici où il s'est arrêté, ils ont commencé à allumer le feu, ils ont commencé à manger, ils ont commencé à se concerter, alors qu'ils étaient, imaginez-vous, 10 000 compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, et à leur tête, alayhi salatu wassalam, et avec eux, les plus grands des compagnons, comme Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhum wa ardahum, Abu Bakr, radiyallahu anhum wa ardahum, wa ghayruhuma min ahli al-ilm, ou min al-sahaba, radiyallahu anhum wa ardahum. Et ici, ils sont restés la nuit, et voilà que Abu Sufyan, le chef de la Mecque, vous connaissez Abu Sufyan, il est parti ici faire une petite tournée autour de la Mecque. Et ils ont vu ces feux allumés, Et ils ont été pris d'étonnement. Il était avec deux compagnons à lui. Quand ils ont vu ce fait, lui, il s'est concerté avec les deux compagnons qui étaient avec lui. Ils ont dit, peut-être c'est telle tribu. Non, je pense que c'est telle tribu. Non, non, ils ne sont pas autant. Ça doit être une autre tribu. Ils ne savaient pas que c'était le prophète, alayhi salatu wasalam. Ils ne savaient pas que c'était les compagnons. Ils ne savaient pas qu'ils étaient vraiment 10 000 et qu'ils voulaient les attaquer. Ou les prendre par surprise. Et pendant qu'ils étaient en train de se concerter, à ce moment-là, ils ont été pris par qui ? Par des personnes qui étaient en train de surveiller les alentours parmi les musulmans. Et ils se sont fait attraper. Et qui s'est fait attraper ? Abu Soufyan. Celui qui a voulu rabaisser les musulmans lors de la bataille de Uhud. Celui qui a provoqué le prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui a attaqué les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum. Voilà qu'il s'est fait pris. Comme ici, il s'est fait embarquer, on va dire, par les compagnons. Et ramené au prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Soufyan. Il s'est fait, ou il s'est retrouvé devant le prophète, alayhi salatu wassalam. Alors imaginez-vous, pendant des années, il a persécuté les musulmans. Pendant des années, il a persécuté les compagnons. Et ici, il a provoqué le prophète, alayhi salatu wassalam, particulièrement à quoi ? À la bataille de Uhud. Et voilà que Abu Soufyan, en face du prophète, alayhi salatu wassalam, avec 10 000 compagnons. Qu'est-ce qu'il va faire ? C'est pas 5, c'est 10 000. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète, alayhi salatu wassalam, à ce moment-là ? Il l'a tué, il l'a torturé, il l'a fait prisonnier. À votre avis, qu'est-ce que vous auriez fait, vous ? Allez, qu'est-ce que vous aurez fait ? Rapidement, comme ça. Instinctivement, qu'est-ce que vous aurez fait ? Vous aurez fait quoi ? Coup de tête, machin. C'est tout. Qu'est-ce que vous aurez fait ? Méchoui. Après, ça, il est là entre vous. Vous dites peut-être, on va faire quoi ? Otage ? Allez, plus ingénieux, il va dire, allez, on va le prendre pour otage, on va essayer de négocier, c'est ça ? Le prophète, allez, ce sommet, il a dit, assis-toi. Toute la nuit, il a prêché à l'islam. Le lendemain matin, Abu Soufyan a dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka muhammadan rasulullah. Il l'a prêché à l'islam toute la nuit, le prophète, alayhi salatu wassalam. Il l'a appelé à l'islam toute la nuit, alayhi salatu wassalam. Le matin, Abu Soufyan, il s'est réveillé et il est rentré dans l'islam, alayhi salatu wassalam. Est-ce qu'il voulait la guerre, le prophète, alayhi salatu wassalam ? Est-ce qu'il voulait répandre le sang, alayhi salatu wassalam ? Est-ce qu'il voulait tuer femmes et enfants, le prophète, alayhi salatu wassalam ? 10 000 contre 3, c'est pas n'importe qui, c'est la tête. Alors que toi, tu veux avoir la tête. Peut-être tu vas te dire, nous, ce qui nous importe, c'est qui ? Et dans une guerre, en général, ce qui t'importe, c'est qui ? Hein ? C'est le commandant. C'est le chef, c'est la tête. Hein? Mais eux, ils ont eu la tête avant que la guerre commence. Avant même qu'ils attaquent. Avant même qu'ils... Regardez la facilité. La facilité par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala leur a mis à disposition Abu Soufyan. Et ici, à travers ce récit, Allah azza wa jalla rappelle à l'unanimité, ou à l'humanité plutôt, que le prophète alayhi salatu wassalam, comme ceci est dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Il a été envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Et le prophète alayhi salatu wassalam, alhamdulillah, par la permission d'Allah azza wa jalla, a réussi à guider, ou à être la cause de la guider de Abu Soufyan vers l'islam. En ce moment-là, Abu Soufyan lui a dit, Ya Rasulallah, ici, laisse-moi certains avantages. Donne-moi certains avantages. Donc, qu'est-ce que le prophète a dit ? Et puis quoi encore ? Tu nous as torturés, tu nous as porté préjudice, tu embrasses l'islam, maintenant on va te donner des avantages aussi facilement. Le prophète alayhi salam, il a dit, khlas, rapporté par l'imam muslim. Il dit quoi, alayhi salatu wassalam, tout ce qui rentre chez Abu Soufyan, fahuwa amin. Man dakhala, celui qui rentre chez Abu Soufyan, fahuwa amin. Il est en sécurité. Celui qui s'enferme pour se réfugier chez Abu Soufyan, fahuwa amin, il est en sécurité. Celui qui rentre dans la terre sacrée, dans l'al-haram, la mosquée sacrée, ici pour se réfugier, fahuwa amin, il est en sécurité. Est-ce que le prophète alayhi salam voulait répandre le sang ? Oh, le prophète alayhi salam, il rappelle à tous les mécois, khalas, vous voulez la paix ? Vous posez les armes, khalas. Vous rentrez dans l'haram, dans la mosquée sacrée, wallahi al-adim, vous êtes en sécurité. Vous rentrez chez Abu Soufyan, votre chef. Regardez la stratégie du prophète, alayhi salatu wassalam. Il tape à la tête. Votre chef, vous rentrez chez lui, vous êtes en sécurité pour le rappeler, khalas. Si notre chef, ici on rentre chez lui, on est en sécurité. Ici, c'est que, khalas, il n'y a pas lieu de répandre le sang, ou de provoquer, ou de répondre au mal, ou répondre ici à la provocation, si eux, ils le voyaient comme une provocation, avec les armes ou avec la guerre, abadan, khalas, on est en sécurité. Alayhi salatu wassalam. Et ici, avec cette sagesse, comme on va le voir par la suite, inshallah ta'ala, le prophète, il a réussi à gagner les cœurs, et à rentrer, alhamdulillah, à la Mecque, ici, en toute sécurité, sans répandre le sang, avec hikma, avec sagesse, sans prendre les armes. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a commencé à détruire même les idoles qui étaient dans la Kaaba. Et voilà que le verset coranique a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Et dit la vérité est venue et le faux s'en est allé. Certes, le faux est voué à disparaître. Et ça, c'est une règle générale. Et c'est un verset coranique qui est descendu, qui a été révélé sur le prophète, alayhi salatu wassalam, le jour où il a eu Fathu Mecca, où il a détruit les idoles. Mais ce verset coranique est valable pour toutes les époques et pour toute personne qui cherche la vérité et toute personne qui cherche ici l'égarement. Allah dit à ces personnes-là, وَقُلْ جَاءَ الْحَقِّ وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Il dit la vérité est venue et le faux s'en est allé. Certes, le faux est voué à disparaître. Pour te rappeler, Abdallah, que si tu t'accroches à la vérité, wallahi al-adim, tu perdureras ici-bas et dans le delà. Amma, si tu t'accroches aux gens qui suivent al-batil, le faux, si tu t'accroches à al-batil, le faux, si tu t'accroches à l'égarement, sache que cet égarement, cette chose mauvaise, cette chose égarée, cette chose fausse est vouée à quoi? À disparaître. Donc choisis ton clan. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli hal, c'est à quelle heure l'Aïcha? C'est passé, hein? C'est à quelle heure? 19. Khalas, inshallah ta'ala, on prendra les questions-réponses bi'inillahi azza wa jal demain, après le cours de jurisprudence, parce qu'il nous reste plus de temps pour faire salat al-Aïcha. On fait l'adhan et on arrête là, inshallah ta'ala. Jazakumullahu khair. Walhamdulillahi rabbil alamin.